Y luego vamos a hacer una pequeña Claro. Vemos que a nivel cultural hay una innovación que es riche. Tenemos una innovación que es bastante rica. Donc là, vous voyez, il y a une double innervation. Aquí vemos que hay una doble innervación. Une innervation antérieure, là où il y a une anse cervicale. Una innervación anterior, donde hay un bout de cervical. Qui va permettre d'innerver une partie des muscles de la langue. Que va permitir innervar una parte de los músculos del, de la garganta. Et une innervation postérieure qui est plutôt en rapport avec les muscles postérieurs. Y una innervación posterior que está en relación con la musculatura posterior. Donc vous comprenez que si ces nerfs sont tirés, vais a entender que si estos nervios se estiran, ça va avoir des réactions sur le tonus solaire. Vamos a tener reacción sobre el tono local. Et si vous, vous arrivez avec vos semelles à augmenter la rotation, y si con vuestras plantillas vais a, podéis llegar a aumentar la rotación, peut-être qu'il y a des nerfs qui sont étirés, pincés, qui vont ne plus être perturbés. Puede que lo que esté pasando sea que los nervios que están pinzados puede que se relajen. Alors, vous voyez que pratiquement au niveau cervical, on a le 12. Le 12, on verra plus tard, mais c'est le glossopharyngien qui est en rapport avec le côté moteur de la langue. El 12 es el nervio glosofaringeo que está en relación con la deglutición y el motor de la lengua. Donc, ça veut dire pour vous qu'il est proche des cervicaux. Donc, s'il y a des perturbations au niveau de la langue, par exemple, si está cerca de la cervical, si hay perturbaciones a nivel de la lengua, il manque une dent, falta un diente, y un appareil orthodontique, o hay un aparato de ortodoncia, qui est mal adapté, ça peut entraîner des douleurs au niveau cervical. Puede que esté este aparato mal adaptado y esto puede crear problemas, dolores a nivel cervical. Est-ce que vous voyez donc le 12, le 11, c'est le nerf accessoire qui est en rapport avec le trapèze et le sternocleidomastoidien. El 11 es el nervio accesorio que está en relación con el trapecio y el esternocleidomastoideo. Mais ils sont très très proches, vous voyez, de la première racine cervicale. Y está muy muy cerca de la primera racimo cervical. Donc une perturbation de l'un peut rejaillir sur l'autre. Esto significa que uno reacciona con el otro. Et puis quand on est au niveau de C5, C6 jusqu'à T1, on peut être en rapport avec le plexus brachial. Y cuando estamos a nivel de C5, C6 hasta la T1, estamos en relación al plexo brachial. Et ça peut marcher dans les deux sens. Un problème de bras peut entraîner un problème de cou. Pero esto va en los dos sentidos. Un problema de brazo puede crear un problema de cuello y un problema de cuello puede crear un problema de brazo. Okay. Et vous rappelez également que vous avez le nerf phrénique qui vient de C3, C4, C5. Y tenemos un nervio frénico que viene de la C3, C4, C5. Le nerf phrénique, vous savez qu'il innerve le diaphragme. El nervio frénico, sabéis que es quien innerva el diafragma. Donc, pareil, un problème de cou peut perturber le diaphragme. Un problema de cuello puede perturbar el diafragma. Et si vous avez un diaphragme qui ne fonctionne pas bien. O si tenéis un diafragma que no está funcionando bien. Déjà, on comprend que d'un point de vue postural, si mes poumons ne travaillent pas bien, eh ben, je vais m'effondrer du côté du diaphragme qui ne fonctionne pas bien. Desde el punto de vista postural, si mis pulmones no están trabajando bien, lo que voy a hacer es hundirme hacia el lado del diafragma que no está funcionando bien. Okay. Donc, un problème diaphragmatique ou viscéral peut entraîner donc, des perturbations au niveau cervical. Un problema diafragmático o visceral puede crear problemas a nivel cervical. Si on regarde en partant de la base du crâne, si miramos de partida con la parte baja del cráneo, vous voyez que l'axe du mouvement se situant au niveau des cóndylos occipitaux, veis que el eje del movimiento se sitúa a nivel de los cóndylos occipitales, que la majorité de la musculature est postérieure. dit que la mayoría de la musculatura es posterior. La musculature qu'on va voir là, latéralement, est plutôt en rapport avec la manducation. La musculatura que vamos a ver aquí es sobre todo lateral y está en relación con la masticación. Des muscles cervicaux antérieurs, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Las músculos cervicales anteriores, ya ves que no hay muchos. Pourquoi? Parce que la tête, elle est. Elle tombe spontanément en avant, donc il faut qu'elle soit retenue par des muscles postérieurs. Esto porque es así, pues porque la cabeza espontáneamente cae hacia arriba, entonces lo que necesita es que los sujeten desde atrás. On va pas reprendre tous les noms de muscles que vous avez dans votre livre, comme ça vous pouvez. No vamos a coger todos los nombres de los músculos porque esto ya lo tenéis en las diapositivas. Voilà. Vous voyez, il y a la. Tous ces petits muscles qui sont droits, c'est les muscles entre C1, C2 et le C2. Estos músculos que están, son los rectos, están entre el C1 y C2. Donc on regarde les muscles qui nous paraissent les plus intéressants. Vamos a mirar los músculos que nos parecen los más interesantes. À gauche, le trapèze. El izquierdo, el trapecio. Donc, qui est au niveau de la partie inférieure de l'occiput. Está à nivel de la parte inférieure de l'occiput. Qui va aller sur l'épine de l'omoplate. Va hasta la espina del omoplato. Et qui va pratiquement au niveau de la première lombaire. Y va prácticamente hasta la primera lombaire. Donc c'est un muscle superficiel. Es un músculo superficial. Et en dessous, on va voir le semi-épineux de la tête. Y debajo tenemos el semiespinoso de la cabeza. Que es un músculo importante porque es el que impide que la cabeza se caiga para adelante. Donc on l'avait évoqué dans les échelles. Que ya hablamos de eso, estuvimos hablando de las cadenas. Le trapèze, lui, sert plutôt à faire tourner la tête. El trapecio nos sirve sobre todo para girar la cabeza. Et puis il y a également un splenius de la tête qu'on a retrouvé dans la chaîne croisée. Et nous avons le splenius de la cabeza que lo encontramos en relación con la cadena cruzada. Il y a les escalènes. Están los escalenos. Qui jouent plus pour aller vers l'avant et latéralement. Que van a jugar más para ir hacia un lado y lateralmente. Et il faut savoir qu'entre. Là, vous voyez les trois scalènes. Aquí veis los tres escalenos. Le sternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo. Et entre le scalène antérieur et le scalène moyen. Y entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Va passer le plexus brachial. Pasa el plexo brachial. Donc, classiquement. Entonces, clásicamente, on parle de syndrome d'escalène. Solemos hablar del síndrome de los escalenos. Si les escalènes sont hypertoniques, si los escalenos están en hipertonía, l'espace entre le scalène antérieur et le scalène moyen, el espacio entre el escaleno anterior y el escaleno medio, va se réduire, se reduce, et peut entraîner à ce moment-là une compression au niveau normal. Puede entrañarles con una compresión a nivel mundial, el plexus brachial, y également au niveau articulaire, parce que vous savez que quand il y a un nerf, en règle générale, il y a un nerf. Y también a nivel articular, arterial. Articular o arterial. En règle générale, quand il y a un nerf, il y a l'artère. Porque arterial, porque cuando normalmente hay un nerf, hay una arteria. Y l'escalène antérieur. Moyen et postérieur vont s'insérer soit sur la première côte, soit sur la deuxième côte. Y este escaleno anterior y medio se van a insertar en la primera costilla y en la segunda costilla. Donc ce qui fait qu'on va souvent trouver en fait la première côte qui est dysfonctionnelle. Y muchas veces podemos encontrar la primera costilla que es disfuncional. Bon, je vous ai mis les planches, on va pas reprendre l'anatomie, hein, la description précise du trapèze. Aquí tenéis la descripción precisa del trapecio. Pareil pour les escalènes. Igual para los escalenos. L'antérieur qui s'arrête sur la première côte. La primera se para en la primera costilla. Le moyen également, mais qui est un peu plus postérieur. El medio de la misma manera, pero un poquito más posterior. Et le postérieur qui est en fait surtout latéral. El posterior, que es el más lateral. Y qui lui va s'insérer sur la seconde. Y se va a insertar en la segunda costilla. Vous voyez le splenius que vous connaissez. El esplenio, que ya lo conocéis. Donc il va des cervicales inférieures à la mastoïde. Que va de las cervicales inferiores a la mastoides. Pour son chef, c'est Fabien. Et puis pour son chef cervical, il part de plus bas. C'est un C2. Et il va également se terminer plus bas, T3, T6. Donc, tout ça vous montre qu'une perturbation thoracique, par exemple, esto demuestra que, por ejemplo, una perturbación torácica peut entraîner une perturbation cervicale. Puede entrañar o provocar una perturbación cervical. Bon. Le spinalis capitis, on a dit qu'il maintenait la tête. El spinalis capitis, hemos dicho que es el que mantiene la cabeza. Un muscle dont les patients parlent, enfin, montrent souvent un point douloureux là, latéralement à la partie supérieure de la scapula. Los pacientes que muchas veces presentan un punto doloroso en la parte superior de la escápula. Qui est en règle générale lié à l'angulaire de l'omoplate. Que muchas veces está relacionado con el angular del omóplato. Et l'angulaire de l'omoplate va se terminer sur les quatre premières cervicales. Y el angular del omóplato se inserta en las primeras cuatro vértebras cervicales. Le sternocleido mastoidien, vous connaissez bien. El sternocleido mastoideo lo conocéis bien. Donc vous rappelez que son rôle essentiel, c'est la rotation de la tête. Su rol esencial es la rotación de la cabeza. Et il va se terminer sur l'anubrium et sur la clavicule. Y se va a insertar en el manubrium y en la clavícula. Donc ça s'appelle sterno. Y por eso se llama esternocleidomastoideo. Et puis il y a plein de petits muscles au niveau de la base du crâne. Y hay pequeñitos músculos en la base del cráneo. Alors, qui sont des muscles importants? Parce que vous savez que les petits muscles, ils sont bourrés de proprioceptors. Porque son importantes porque sabéis que los pequeños músculos están borrachos de captores. Donc en fait, ils sont là pour informer de la position de la tête par rapport. Y entonces estos ojos que nos van a informar de la posición de la cabeza par rapport à la position de la tête sur le cou. La posición de la cabeza respecto al cuerpo. Alors que les gros muscles, eux, ils sont là pour faire bouger ou pour maintenir. Eux, ils sont plus là pour informer. Los músculos grandes están para mover o mantener, pero los pequeños músculos están para informar. Alors, le côté, si on revient sur le côté neurologique, si volvemos al aspecto neurológico, il peut y avoir des dysfonctions distales qui entraînent des névralgies qu'on appelle cervico-brachiales. Podemos tener disfunciones cervicales que pueden crear dolores cervico-brachiales. Donc, ce qu'il faut, c'est de penser, vous voyez le bonhomme comme ceci. Tenéis que pensar que veis al buen hombre en esta posición así. Alors, vous faites avec moi, mettez un bras tendu. Os vais a colocar así. Estirando el brazo. Donc là, on est en haut. Aquí estamos arriba. Alors, les cervicales hautes, ça va arriver, les cervicales, elles vont descendre. Quand elles descendent, ça va contourner le bras comme ceci. Entonces, las cervicales van a ir bajando y luego van a envolver el brazo en este sentido. Ok. Quand on arrive au niveau de l'épaule, on est à C5. Cuando llegamos al hombro, estamos en épaule et bras, dans la partie haute. Hombro y brazo en la parte alta. Si je poursuis, donc je vais sur C6. Si sigo un poquito más, estoy en la C6. Et C6, ça va être le pouce et l'index. C6 va a ser el pulgar y el índice. Si 7, ça va être le majeur. El mayor va a ser el T7. Et puis après, on reprend les deux doigts du bas. Y luego, si cogemos los dos dedos de abajo, c'est 8. C'est 8. Et on revient sur la partie inférieure de l'avant-bras. Y vamos a la parte inferior del antebrazo. Sous, au niveau en arrière du coude, on va être en rapport avec T1. La parte baja del codo está hecha con T1. Et quand on est vraiment au niveau de la racine du membre. Y cuando estamos la raíz del miembro superior, del miembro, on va être sur T2. Estaremos en la T2. Parce que au niveau cervical, on va commencer à dire que la première racine cervicale, elle est en dessous de l'occiput. Porque a nivel de las cervicales, la primera la primera raíz cervical parte de la por debajo del occiput, de la C0. Un nerf qui sort en dessous de l'occiput. Un nervio que va, sale debajo de l'occipucio. Il va s'appeler C1. Es el que se llama C1. Donc, en dessous de C1, le nerf va s'appeler C2. Et debajo de la C1, el nervio se va a llamar C2. Et ça va aller jusqu'à. Donc, le nerf qui est en dessous de C7, il va s'appeler C8. Y luego el nervio que está por debajo de la C7 se le va a llamar C8. Mais pour les autres racines, le nerf qui va sortir en dessous de D1, il va s'appeler. Y para las otras raíces, el nervio que va a salir por debajo de la D1, ¿cómo se va a llamar? Et D1 est où? Y entonces la D1, ¿dónde está? Celui qui est en dessous de la vertèbre D1, il va s'appeler, le nerf, il va s'appeler D1. Celui qui est debajo de la D1 va se llamar D1. Ok? Donc, le décalage, il est simplement pour les cervicales. Esta différence passe seulement les cervicales. En fait, si vous voulez, plutôt que de dire que c'est le nerf C1, on aurait pu dire que c'est le premier nerf sous-occipital. Sous-occipital. En vez de decir que es el primer nervio, o sea, que es el nervio C1, podríamos decir que es el nervio suboccipital. Mais il y a un autre nerf qui s'appelle sous-occipital. Pero hay otro nervio que se llama suboccipital. Donc voilà. Alors, donc, vous savez que les douleurs à type neural, votre patient, il les décrit en règle générale comment? En disant quoi sur la douleur neurale? Quand c'est un dolor neural, qu'est-ce que vous dites le patient? Quel type de douleur tient le patient? Preferido. Parasthésie. Alors, brûlure, froid douloureux. Frío doloroso. Courant électrique. Corriente eléctrica. Alors, c'est les choses qui ressortent le plus souvent. Esos son los que más frecuentemente nos vamos a encontrar. Alors, on va trouver ça surtout chez les hommes. Esto lo vamos a encontrar sobre todo en hombres. Et ça va se retrouver surtout sur les disques cervicaux qui sont les plus mobiles. Y lo vamos a encontrar sobre todo en los discos cervicales más móviles. Donc, c'est-à-dire surtout sur les disques qui sont les plus bas. Sobre todo los discos que sean más bajos. Entre C5 y C6, entre C6 y C7. El de disco C6, C6, C7. Donc, vous voyez que ça va souvent entraîner des algies qui vont se répercuter au niveau de la main. Y van a tener dolores que van a tener una repercusión en la mano. Donc, pour C6, pouce, index. Con el C6, pulgar, índice. C7, major. El mayor. Donc, C8. No entiendo el C8. El único compa de C8. viens de le dire. Lo acabamos de decir. Parce qu'on commence au-dessus de la première cervicale. Porque empezamos a nombrar los nervios que están por encima de la primera vértebra cervical. Donc, vous avez vu qu'avec les semelles de posture, vous pouvez améliorer la rotation, peut-être. Habéis visto que con las plantillas posturales podéis mejorar las rotaciones de la cabeza. Tout le monde l'a vérifié, ça. Esto ha verificado todo el mundo, ¿verdad? Donc, ça veut dire que si j'arrive à modifier la rotation cervicale, esto significa que si yo llego a modificar la rotación cervical, je modifie également les tensions au niveau des racines C6, C7. Estoy modificando también la tensión que existe en las raíces de T5 y T6. Donc, je peux avoir des résultats sur des douleurs au niveau des doigts de la main. Y podemos tener resultados a nivel de los dedos de la mano. Donc, quelqu'un qui vient vous voir en disant j'ai mal au poignet ou à la main ou au bras. Si tenemos a alguien que nos dice que tiene dolor en el puño, en la mano, en los dedos. Qu'est-ce que vous lui dites? ¿Qué le vais a decir? Abrir el sitio adecuado. Imaginez, vous avez un patient qui vient vous voir en disant j'ai mal au poignet ou j'ai mal à la main. Tenez un patient qui vous dit me duele el puño. Quel est votre comportement? ¿Qué vais a hacer vosotros? Donc c'est peut-être ce que vous auriez dit, on va dire, jusqu'à maintenant. Mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez dire, ok, on essaye le traitement. Ahora lo que podéis decir es, bueno, vamos a probar el tratamiento. Vous promettez pas que ça va marcher ou que ça va marcher. No prometáis que va a ir o no va a ir. Mais vous pouvez, ça peut fonctionner. Pero puede funcionar. Ceci dit, il faut pas s'illusionner. No le hagáis que se ilusione demasiado. Le patient qui a mal au poignet, il va pas venir consulter un podologue, même posturologue au départ. En principio, si una persona le duele el puño, no va a ir a un podólogo ni a un posturologo tampoco por ahora. C'est parce qu'il aura vu le kiné, il aura vu le médecin, il aura vu l'ostéopathe. Habrá visto al médico, al osteópata, al fisio. Et puis peut-être que chacun va l'améliorer, mais que ça ne tiendra pas dans le temps. Pero puede que cada uno lo habrá mejorado, pero luego no se mantenga en el tiempo. Donc à ce moment-là, il faut faire quoi? Un traitement postural. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que hay que hacer? Un tratamiento postural. Et peu importe que la douleur soit à la main, au poignet, au cou, au dos, au pied. Y en este momento no nos importa si el dolor está en el puño, en el cuello, en el pie. C'est le même raisonnement. Es el mismo razonamiento. Okay. Y vous dites pas que vous allez guérir, vous dites qu'on essaye. No le digáis que lo vais a hacer, pero sí que le podéis decir que lo vais a intentar. Mais est-ce que vous êtes sûr à tous les coups de guérir des douleurs de pied? ¿Estáis siempre seguros de que vais a solucionar los dolores de los pies? Non, vous ne faites pas un dessin. Y aún así haces plantillas. Donc, pourquoi pas faire la même chose pour un problème de poignet? ¿Por qué no vamos a hacer lo mismo para un problema de poignet? ¿De dónde surge? ¿El bebé también puede ser algo muscular? ¿El resorte? Sí. ¿También se puede tratar con Mais peut-être avec la thérapie manuelle en plus, hein, oui. Et on peut améliorer. Puedes mejorarlo, también seguramente avec la thérapie manuelle, pero podemos mejorarlo. Mais ressaut, ça ne veut rien dire en fait. C'est une sensation, c'est pas une étiologie. Pero este resorte no es una etiología, o sea, no es la causa, es la sensación. On peut d'abord toujours essayer les moyens fonctionnels. Primero es conveniente intentar los medios funcionales. Peut-être ça suffit. Y quizás suficiente. Alors, je vous raconte une petite histoire. Les va contar una pequeña historia. Ouais. Il y a une vingtaine d'années. Hace 20 años, más o menos. Je travaillais avec un médecin qui faisait de la chiropraxie. Trabajaba con un médico que hacía quiropráctico. Et le motif de consultation de la patiente qui m'envoie. Y el motivo de consultación del paciente que le estaba enviando. C'était un kyste au poignet. Era un kyste en el puño. Et en fait, quand lui lui manipule les cervicales, le kyste disparaît. Y cuando le manipuló las cervicales, el kyste desapareció. Mais il réapparaît au bout de quelques mois. Pero luego volvió a aparecer. En unos meses. Il me l'adresse. Entonces le mandó a él. Je fais le traitement postural tel qu'on faisait il y a 20 ans. Le hizo el tratamiento postural que hacían hace 20 años. Et cette patiente, je l'ai revue par la suite, elle n'a plus jamais eu de problème de kyste au poignet. Y luego cuando le volvió a ver, ya no tuvo más problemas de kyste en el puño. Donc, il faut bien penser qu'on agit sur un système et sur un ensemble. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando allí, actuando en el conjunto del cuerpo y del sistema. Un problème de poignet pourrait créer une douleur de pied. Un problema de puño puede estar creado por un problema de pie. Un problème de pied pourrait créer une douleur de poignet. Y al revés. Donc, même ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ceux qui vont faire de plus en plus de posturologie, lo que quiero insistir es los que queráis hacer cada vez más posturología, vous allez voir des patients qui sont de plus en plus bizarres. Vais a ver pacientes que van a ser cada vez más raros. Et il faut bien avouer qu'au niveau médical, on est incompétent pour faire un diagnostic médical. Pero hay que saber que a nivel médico somos incompetentes para hacer un diagnóstico médico. Okay. Et ils vont venir avec un syndrome de machin chose qu'on ne connaît pas. Y van a venir con un síndrome de lo que no sabemos de qué. Et vont demander, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Y entonces nos van a preguntar, ¿y tú puedes hacer algo con esto? Vous dites, j'en sais rien, mais je peux essayer. Y tú puedes decir, yo no tengo ni idea, pero lo podemos intentar. Parce qu'il peut avoir une pathologie organique plus une pathologie fonctionnelle. Porque muchas veces puede haber una patología orgánica más una patología funcional. On les prévient, on essaye. Entonces lo intentamos. On dit on se voit deux fois. Le vamos a decir que nos vamos a ver dos veces. Si on n'a pas d'amélioration, on arrête. Y si no hay mejoría, paramos. Ok. Alors, ils vont peut-être perdre, allez, on va dire que peut-être perdre 200 euros. Puede que pierdan 200 euros. Ou 300 euros. Deux consultations, une paire de stocks. Ou 300 euros. Deux consultas et une visite. Mais. Deux consultas et une paire de plantillas. Mais s'ils vont voir le chirurgien. Pero si quieren ver al cirujano. Est-ce que le chirurgien, il est sûr d'améliorer le patient? El cirujano está seguro de que va a mejorar este paciente? Non plus. Tampoco. Et s'il a coupé quelque chose. Y si ha cortado algo, c'est définitif. Es definitivo. Donc, quand il n'y a pas d'urgence, entonces, cuando no haya urgencia, il n'y a pas de raison de ne pas faire d'abord un traitement fonctionnel. No hay razón para no hacer antes un tratamiento funcional. Et peut-être que même si vous, votre traitement, il n'a pas permis de retirer la douleur au niveau de la main, par exemple, y si este tratamiento no ha permitido quitar el dolor a nivel de la mano, entre l'ostéopathe ou la personne qui fait de la PNS ou autre chose, ou de la désinfiltration ou autre, va travailler, ça va peut-être marcher. Y quizá con el osteópata, con infiltraciones o con otra cosa, esto puede ir mejor. Donc, en fait, globalement, la philosophie, sauf quand il y a urgence, entonces, globalmente, la filosofía debería de ser, salvo en los casos que haya una urgencia, vous ne vous intéressez pas à la symptomatologie. No os intereséis con los síntomas. Vous avez mal à l'œil, vous avez mal aux fesses, vous avez mal au poignet, on essaie. Si te duele el ojo, te duele el culo, te duele el D'accord? Alors, et, au début, ce n'est pas évident. Al principio esto no es evidente. Parce qu'on n'a pas confiance en soi. Porque no tenemos confianza en nosotros mismos. Mais si vous améliorez que 30% de la population leur problème de poignet. Pero si tenéis en cuenta que un 30% de la población tiene problemas de puño. Ben c'est déjà intéressant. Ya es bastante interesante. Hein, peut-être que sur les lombalgies, les cervicalgies, vous avez amélioré 80-90% de la population. Tanto que a nivel de lumbares y cervicales vais a mejorar un 80-90% de la población. Ce qui serait malhonnête, c'est de dire je vais vous guérir, c'est sûr. Pardon. Ce qui serait malhonnête. Malhonnête. Ah, honnête. Lo que es mentira. Oui. Oui, lo que es falso. Qui serait pas bien. Hein, ça veut dire que quelque part, tu, si tu n'es pas honnête, tu voles la personne. Tu voles la personne. Alors, robar al paciente. Sí. Lo que no está bien es robar al paciente. Ça serait de dire je vais vous guérir. Lo que no puedes hacer es decir yo os voy a curar. Mais que ce soit le pied ou la main, vous savez que tous les patients, vous n'allez pas les guérir. Pero esto es lo mismo para en el caso de los pacientes que les duele el puño, el pie. Nunca estáis seguros de que les vais a curar. Et c'est pas parce que vous connaissez pas l'anatomie de la main. Y no es porque no conozcáis la anatomía de la mano. Que la semaine ne va pas avoir de résultats sur la main. Que la plantilla no va a tener resultados en la mano. Si on prend les choses à l'envers. Si cogemos las cosas al revés. Peut-être parmi vous, il y a des kinés ici. Aquí hay algún fisio. Les kinés connaissent très très bien l'épaule. Los fisios conocéis muy bien hombro. Mais ils n'ont pas des résultats thérapeutiques à la hauteur de leur connaissance. Pero no tienen resultados terapéuticos a la altura de vuestros conocimientos. Ce que je veux dire par là, c'est que la connaissance c'est une chose. Le résultat thérapeutique, c'est autre chose. Con esto lo que quiere decir que muchas veces el conocimiento es una cosa y los resultados terapéuticos son otra cosa. Maintenant, si on connaît la région, c'est mieux. Siempre está mejor conocer la región, evidentemente. Donc, on va revenir au sommet. Vamos a volver a las plantillas. Donc, on a expliqué le côté traitement réflexe. Vamos a explicar el tratamiento reflejo. Donc, vous rappelez l'image du pont. Qu'on a assez vite, je ne sais plus comment il s'appelle. Véronica, comment s'appelle le pont? Comment se llama? El que estuvimos hablando la otra vez. Alamillo. Donc vous voyez, vous avez cette image en tête. Esta imagen la tenéis en la cabeza. Avec les rubans. Con los tensores, cables. Ce qui fait que plus on est haut, plus on est loin. Cuanto más arriba estemos, más lejos estamos. Comme le pied, en fait, c'est un levier. Como el pie es una palanca. La partie la plus distale, on va dire que c'est au niveau des éléments de la barre antérieure. La parte más distal, vamos a decir que es en los elementos la barra anterior. C'est celle qui va agir le plus haut. Y este es el que va actuar. Más alto. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Est-ce que ça c'est clair pour vous? Plus que la sous-pulpaire? On ne va pas l'utiliser dans ce cadre-là. La sous-pulpaire, nous allons l'utiliser dans ce cadre. Donc, à partir de la fois qu'on a compris ça, il y a une logique. Et donc, une fois que nous avons entendu ça, le suivant est une logique. Ce qui est le plus postérieur et ce qui est en rapport avec le plus bas. Le plus postérieur est relationné avec le plus bas. Ok. Donc nous, on va s'intéresser particulièrement à la région de l'élément antéro-interne. Nous allons nous intéresser surtout en l'élément antéro-interne. Et aujourd'hui, on ne veut plus traiter les. Enfin, on ne veut plus analyser les cervicales dans leur ensemble. Et donc, maintenant, on va analyser les cervicales. Mais on va analyser les cervicales analytiquement. Pero vamos a analizar las cervicales analíticamente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire des stimulations qui sont plus punctiformes. Alors, pour l'instant, on ne va pas faire des choses microscopiques. Por ahora no vamos a hacer cosas microscópicas. Mais un élément entéro-interne, on peut assez facilement le subdiviser en trois. Pero sí que un elemento entero-interno lo podemos subdividir en tres. Une partie antérieure de l'entéro-interne, une partie intermédiaire et une partie postérieure. Una parte anterior de ahí, una parte intermedia y una parte posterior. Donc, en sachant que au niveau mnémotechnique, vous pensez que la tête correspond à la tête métatarsienne. La cabeza corresponde con las cabezas metatarsales. Ah, donc si je suis en dessous de la tête, entonces, si estoy detrás de la cabeza, por debajo de je suis sur les cervicales, et si je suis en arrière de la tête du premier état, je suis sur les cervicales. Entonces, si estoy por detrás de la cabeza metatarsal, estoy en las cervicales. Donc à ce moment-là, je vais bien être sur pouvoir subdiviser pour traiter de manière spécifique. Y entonces podemos subdividir para tratar de manera específica. Sí. Según la referencia, ¿está justamente debajo de la cabeza metatarsal? Si es... Y si la... la... la... la... mitad cabeza. Y que sea sous la tête metatarsal. On va... Ok. Bon, on peut peut-être considérer que c'est un tout petit peu haut. Lo que se puede considerar aquí que está un poquito adelantado. Mais ce qui va nous intéresser, c'est en fait que ta tête, c'est son contact au sol. Si la cabeza, lo que nos va a interesar va a ser que la cabeza metatarsal está en contacto con el suelo. Hein? Donc ta stimulation peut venir jusque là. Entonces tu estímulo puede ir hasta ahí. C'est comme quand on prend les muscles du cou, ils vont se terminer sur le crâne. Porque cuando cogemos los músculos del cuello, estos acaban en la cabeza. Quand on est dans des traitements réflexes, cuando estamos en los tratamientos reflejos, on doit pas être au millimètre près dans le côté conceptuel. No tenemos que estar milimétricamente con los conceptos. Con las ideas conceptuales. Mais par contre, on va être au millimètre près par rapport au destin. Pero sí que tenemos que estar bastante aproximados en milímetros según lo que testamos. Donc, l'élément antéro-interne, el elemento antéro-interno, ce que je vous disais précédemment, on va le subdiviser en trois parties. Lo que decía antes, lo vamos a subdividir en tres partes. Et là, l'objectif, c'est de dire. Je travaille vers C1, C2, C3, C4, C5 ou C5, C6, C7. Entonces, l'objectif de esto es trabajar sobre C1, C2, 3, 4, 5 o C7. Et donc là, on est bien dans du déparasitage somatique. Entonces, aquí sí que estamos en la desparasitación somática. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre le TP qu'on a fait tout à l'heure. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a retomar la terapia, la práctica que hemos hecho antes. Vous allez tester en antériorisation et en latéralisation. Nos vamos a testar en anteriorización y en lateralización. Toutes les vertèbres cervicales. Todas las vértebras cervicales. Si vous avez du mal avec C7 ou avec C1, laissez tomber, mais essayez au moins une fois. Si tenéis problemas con la C1 o con la C7, dejadlo, pero intentadlo una vez al menos, ¿vale? Ok. Puis, vous allez faire plier les jambes, fléchir les bras. Luego, lo que le vais a pedir al paciente es que doble las rodillas o doble los brazos. Voir est-ce que ça modifie. Ver si esto crea modifica. Peut-être même que quelqu'un qui n'aurait pas de disfonction cervicale. On va à ce moment-là créer une dysfonction cervicale. Quizá en alguien que tengamos una disfunción cervical, con esto podemos crear una disfunción cervical. Et puis, deuxième partie du TP. Y luego, en la segunda parte de la práctica, vous allez chercher la relación entre la zona cervical perturbada. Vais a buscar la relación entre la zona cervical perturbada y la zona que corresponde a la región. Y la zona que corresponde a la región. Donc là, on va faire une interrelation indirecte. Y lo que vamos a hacer es una interrelación indirecta. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair? Donc, on va ajouter le posturo dynamique. Vamos a añadir el posturo dynamique. En se concentrant là surtout sur le côté cervical. Nos vamos a centrar ahora sobre todo la zona cervical. Ils l'ont vu dans le posturo dynamique analytique. Il y a. Alors. Contrairement à. Là, c'est une erreur hein, sur la diapo. Ah, c'est une erreur de la diapositive. Sur le côté cervical, il ne peut pas y avoir de slash. Et la zone cervicale, il ne peut y avoir de flèches. Ah, parce que la définition. Les flèches n'ont pas de ça ne doit pas tourner. Dès que ça tourne, il y a un problème de essayer un point. Entonces, porque no es que rote o no rote, o sea, si rota es que ya hay una. Et vous pouvez vous servir donc, du posturo dynamique, de la rotation de tête et de la manœuvre des pouces au niveau cervical. Entonces, podemos servirnos del posturo dinámico, de la rotación de la cabeza y la maniobra de pulgares a nivel cervical. Donc, est-ce que c'est OK pour vous? Donc, je montre sur une personne et puis après vous allez. Vamos a verlo en una persona y luego lo vemos. Voluntario. Allez. Rapide, s'il vous plaît. Allez, t'as mangé ? Tout va bien. Alors, là, on est bien d'accord que ce qu'on fait, c'est un travail pratique. Ahora estáis de acuerdo que lo que vamos a hacer es un trabajo práctico. Tu descends. Donc, première étape, toujours, je dois être confortable. Lo primero es importante, yo tengo que estar cómodo. Donc, il faut que j'ai mes avant-bras qui soient posés sur la table. Entonces, es importante que los antebrazos estén puestos encima de la camilla. Donc, je vais commencer de bas en haut. Vamos a empezar de abajo arriba. Peu importe que vous souhaitez vous commencer. Sur le numéro de la vertèbre sur lequel vous commencez, c'est pas très grave. No importa por qué vertebra empecéis, esto no es grave. Donc, je commence à faire un mouvement vers l'avant. Le mouvement est possible, vous voyez. Si va hacia adelante, el movimiento se hace, es posible. Je repère la petite bosse qui est au-dessus. Tenemos el bolotito que está encima. Je me mets bien dessous. Le mouvement est toujours possible. El movimiento todavía es posible. Je vais sur la bosse qui est au-dessus. Voy a la bolsita, al puntito que está. Et non, c'est toujours possible. Es todavía posible. En fait, j'ai commencé trop haut, je vais descendre un petit peu plus. Ha empezado muy alto, va a bajar un poquito. Pas de possibilité de mouvement. Aquí también hay posibilidad de movimiento. Bien grand. Et là, possibilité de mouvement. Y ahí también hay posibilidad de movimiento. Des vertèbres qui sont plus ou moins désagréables. Luego puede haber también vertebras que son más o menos desagradables. Donc, maintenant je mets au niveau de la base du cou. Entonces nos colocamos en la base del cuello. Et je vais faire le mouvement en flipper. Y vamos a hacer los movimientos en flipper. Donc vous voyez que même si c'est minime, mes épaules bougent. Y aunque sea mínimo, mis hombros se mueven. C'est un mouvement de l'ensemble du corps. Là, je peux pousser de la gauche vers la droite. Je ne peux pas pousser de la droite vers la gauche. Et le mouvement général du corps peut empujar de la derecha à la izquierda, mais ne peut empujar. Non, peut empujar de la izquierda à la derecha et ne peut empujar de la derecha à la izquierda. Donc, si je fais une vérification. Si, vérifico. Ma main droite est purement sensorielle. Mi mano derecha es puramente sensorial. Je me mets en contact avec l'os. Me pongo solamente en contacto con el hueso. Et ma main motriz, gauche. Y la mano motriz izquierda. Pousse vers la droite. Empuja hacia la derecha. Donc je sens, vous voyez que je pousse la vertèbre et je la sens dans l'autre main. Entonces empujo la vertebra y la siento en la otra mano. Maintenant, si je fais la même chose en allant de la droite vers la gauche, y si hago lo mismo de la derecha a la izquierda, j'appuie sur la vertèbre en la translatant vers la droite, et apoyamos en la vertebra trasladando hacia la derecha. Donc j'ai deux choses qui me manquent dysfonctionnelles. Hay dos cosas que ve que son disfuncionales. C'est que ma main motrice est très peu mobile. Vemos que mi mano motriz es muy poquito móvil. Et dans ma main sensorielle, je n'ai pas de réponse. Y en la mano sensorial no tenemos ninguna respuesta. Alors, je garde la première région, on va dire, que vous trouvez dysfonctionnelle, vous allez peut-être la garder. La primera zona disfuncional que encontréis, lo tenéis en cuenta. Et je lui demandé de plier les jambes. Y doblar las rodillas. Et je recommence. Y volver. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête? ¿Y entonces qué pasa a nivel de la cabeza? La tête, elle bouge. La cabeza se mueve. Alors, est-ce que c'est du hasard ou pas? ¿Es casualidad? Rallonge les jambes. ¿Es casualidad o no? Ella ha doblado las rodillas. ¿Qué? Donc, au niveau perception, toi. Je vais appuyer et tu vas coter le côté désagréable sur une échelle entre 0 et 10. Vas a hacer, vas a marcar una escala de 0 a 10 los puntos que sean desagradables. Te vas a poner un valor. T'as combien? Bien entendu. Tu plies les jambes. Dobla las rodillas. Donc, j'ai les doigts au même endroit. 6. Donc, on voit qu'on a une modification. Entonces esto, aquí tenemos una modificación. Donc, dans ce cadre-là, est-ce qu'il faudrait faire un traitement réflexe cervical? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿hay que hacer un tratamiento cervical? Donc, on irait peut-être voir, il y a un problème peut-être neural inférieur, comme vous avez vu hier. Puede que exista un problema neural inferior, como lo que visteis ayer. Ou un problème articulaire, ou je ne sais pas. Est-ce que c'est clair pour vous? Si. Tu rallonges les jambes. Donc maintenant, tu vas croiser les bras sur la poitrine. Ahora, cruza los brazos. Et voilà, très bien. Et je reteste. Y vuelve a testar. Pour moi, c'est pas bon. C'était, j'avais plus de mobilité quand les jambes étaient pliées. Él no ve ninguna diferencia, tenía bastante más movilidad cuando doblaba las rodillas. Ok, tu rallonges les bras. Bon, maintenant, on admet qu'il n'y ait pas eu d'amélioration en fléchissant les jambes, en croisant les bras. Ahora hemos visto si hay modificaciones con las rodillas dobladas o cruzando los brazos. No hay modificación cuando cruzamos los brazos. Donc, je pose l'hypothèse que donc le problème est cervical. Entonces, vale, ahora imaginamos que no hay modificación cuando ha doblado las rodillas o cuando se ha abrazado, ¿vale? Entonces, la hipótesis sería que hay un problema cervical. L'hypothèse, on sait qu'elle est partiellement fausse. La hipótesis, sabemos que es parcialmente falsa. Pourquoi? Parce que ça pourrait peut-être venir du crâne. Ça pourrait peut-être venir des viscères. Pour l'instant, on les a éliminés. On ne les connaît pas. Donc, dans ce qu'on connaît, il nous reste les cervicales. Est-ce que vous êtes d'accord sur le raisonnement? Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire mon traitement réflexe. Éventuellement, vous pouvez avoir un petit crayon dermographique. Podéis tener un pequeño lápiz dermográfico. Ou maquillage. Pour bien noter l'endroit où vous étiez. Para marcar bien el lugar donde habéis notado que va mal. Et puis, donc, c'était à droite. pouvez faire le test des barres oppresseurs droite. Como hemos dicho que estaba a la izquierda, vamos a hacer desde los barres opresores en la, o sea, en la derecha, va a hacer el test de los barres opresores en la derecha. Bon, je fais une manœuvre de convergence caudale de référence. Vamos a hacer una MC de referencia. Ok, donc on a une hypertonie droite. Tenemos una hipertonía derecha. Et je vais chercher, donc là j'utilise non plus la pulpe, mais le côté du doigt pour rétrécir la surface. No vamos a utilizar el pulpejo, vamos a utilizar el borde del dedo para que la superficie sea todavía más pequeña. Normalement, pour faire un élément en terreau interne, j'aurais mis deux doigts. Normalmente, para colocar un EI, colocamos dos dedos. Donc, je vais déjà vérifier le côté global. Entonces, verificamos a nivel global. Est-ce que j'ai une modification? ¿Tenemos alguna modificación? Oui. Sí. Maintenant, est-ce que c'est plutôt la partie antérieure, intermédiaire ou postérieure? Ahora tenemos que saber si es la parte anterior, intermediaria o posterior. Donc, on met juste stimulation en arrière de la tête. Colocamos la estimulación justo detrás de la cabeza. Donc, vous voyez que là, j'ai pas l'isométrie. Aquí no tengo la isometría. Donc, je me recale et hop, je recule un tout petit peu. Me voy para atrás y je stimule. Stimula. Et là, j'ai un résultat qui est satisfaisant. Et aquí tenemos un resultado más satisfactorio. Donc, je suis dans l'intermédiaire. Juste en arrière de la tête, je glisse un coup, deux coups. Entonces, justo, primero detrás de la cabeza, luego me deslizo un poquito y luego otro poquito. Sí. Donc je stimule. Stimulo. C'est pas mal, mais c'est moins bien que l'intermédiaire. No está mal, pero está peor que l'intermédiaire. Bon, comme j'ai pas vraiment compté les cervicales, mais on va faire C3. No ha contado las cervicales, pero iba por la C3, más o menos. On a quelque chose qui intellectuellement est cohérent. Entonces, intellectualmente es algo que es coherente. Alors, donc. Maintenant, je recommence. Premier cran, je décale un petit peu, je stimule. Vamos a empezar la cabeza, reculamos un poquito. Donc j'ai régulé le tonus en bas. Ha mejorado el tono abajo. Qu'est-ce qui se passe au niveau cervical? ¿Y qué pasa ahora a nivel cervical? Y aussi, je porte le départ là, je recherche un petit peu. Et je ne trouve plus la cervicale qui est perturbée. Ahora. No nota que la cervical esté perturbada. ¿Cómo tú te sientes? Bueno. ¿Cómo te sientes? Ella no. Se mueve más, pero le duele a ella. ¿Ah? Donc, on a fait varier le tonus. Entonces, hemos hecho que el tono se varíe. Donc, vous pouvez vérifier votre traitement réflexe. Entonces, con esto podemos verificar el tratamiento réflexe. Et ça va vous donner confiance. Y esto tenéis que hacer confianza. Alors, maintenant, si le patient a moins mal, c'est bien. Si el paciente le duele menos, está bien. Mais ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est le retour de la mobilité. Pero lo que sobre todo nos va a interesar a nosotros es el volver a ganar el movimiento. Parce que n'oubliez pas que la douleur, c'est une émotion. Porque no os olvidéis que el dolor es una emoción. Et qu'il y a une grosse part cognitive dedans. Y hay una gran parte cognitiva. Et souvent le patient, il va mieux, mais il se dit oui, mais peut-être que plus tard ça ira pas mieux. Porque el paciente puede notar que va mejor, pero está pensando sí, pero luego seguramente no va a ir bien. Notamment dans les anxieux. Sobre todo en la gente ansiosa. Et les anxieux, ça va faire la majorité de votre clientèle. Y los ansiosos van a ser la mayoría de vuestra clientela. Donc restez, ce qui est important, c'est est-ce que j'améliorerai mes tests. Lo que es importante es saber si mejoro los tests. Donc, est-ce que c'est clair pour vous? Esto está claro. Hein? Donc, le test dans le plan sagittal, test dans le plan frontal. Test en el plano sagittal, test en el plano frontal. Il y a une ou deux perturbations. Hay una o dos perturbaciones. S'il y a deux perturbations, je fais une interrelation. Si hay dos perturbaciones, hago una interrelación. On pourrait très bien faire une interrelation entre un mouvement dans le plan sagittal et une dans le plan frontal. Podemos hacer una interrelación en el plano sagital y una en el plano frontal. Je stimule et je vois ce que je retrouve de la mobilité. Estimulo y veo si vuelvo a tener movimiento. Deuxième étape. Est-ce qu'il y a une probabilité que ça vienne à distance, notamment au niveau de l'arc inférieur? Esto tiene influencia a nivel del arco inferior. Donc, on plie les jambes. Doblamos las rodillas. On plie les bras pour le côté plus en rapport avec le tronc. Doblamos los brazos para la parte torácica. Et je vois s'il y a des modifications. Y vemos si existen modificaciones. Donc, je rappelle qu'on est toujours dans un travail pratique, vous ne cherchez pas à guérir vos patients, on est juste là pour voir s'il y a des relations. Pero acordaos siempre de que estáis en un trabajo práctico, no estáis intentando ahora curar al paciente, solamente ver estas relaciones. Et après, vous allez stimuler au niveau du pied la manière dont je viens de vous l'expliquer. Y luego vais a estimular en el pie como os he explicado antes. Okay? Et vous voyez s'il y a des relations ou pas. Y vais a ver si existen relaciones o no. Imaginez que quelqu'un n'ait pas de perturbation. Por ejemplo, alguien que no tenga perturbaciones. Vous testez quand même parce que peut-être que la stimulation peut entraîner une perturbation. Vais a testarlo también porque puede que la estimulación cree problemas. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce qu'on vient de voir? ¿Tenéis preguntas? Non? Donc, allez, vous avez 10 minutes pour faire ça. Donc là, vous le faites sur une personne. Tenéis 10 minutos para hacer esto. Primero vais a hacer sobre una persona. Donc 5 minutes, on tourne, 5 minutes, 10 minutes, vous êtes là. Entonces, un minuto para una persona.